La Rochelle pour être matelot. L'aventure est si belle, tout là-bas sur les flots. Où est-il, mon pays? Où est-elle, ma Rochelle? C'est une drôle de guerre que fait notre bateau. Les marins d'Angleterre vous le diront bien haut. Où est-il, mon pays? Où est-elle, ma Rochelle? On dit que les corsaires seront pendus bien haut. Mais moi qui suis corsaire, je sais bien que c'est faux. Où est-il, mon pays? Où est-elle, ma Rochelle? J'ai quitté la Rochelle pour être matelot. L'aventure est si belle, tout là-bas sur les flots. Où est-il?